6. Le livre de la visite du malade et des funérailles. Accompagner le défunt, prier sur lui, assister à son enterrement, rester auprès de la tombe. Chapitre 144. La visite du malade. 894. Selon Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a ordonné de faire 7 choses. 1. Rendre visite au malade. 2. Suivre le cortège funèbre. 3. Dire qu'Allah te fasse miséricorde, yarhamukallah, à celui qui éternue. 4. Aider celui qui a juré à honorer sa parole. 5. Aider les opprimés. 6. Accepter l'invitation. 7. Répandre le salut. Assalamu alaikum. Al-Bukhari et Muslim. 895. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: les droits du musulman sur les autres musulmans sont au nombre de 5. Lui rendre le salut. Lui rendre visite s'il tombe malade. Suivre son cortège funèbre jusqu'au cimetière. Accepter son invitation. Lui dire qu'Allah te fasse miséricorde, yarhamukallah, lorsqu'il vient d'éternuer et a dit louange à Allah, alhamdulillah. Al-Bukhari et Muslim. 896. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah Azza wa Jal dira le jour de la résurrection: ô fils d'Adam, je suis tombé malade et tu ne m'as pas rendu visite. L'homme dira: ô Seigneur, comment aurais-je pu te rendre visite alors que tu es le Seigneur de l'univers? Allah répondra: n'as-tu pas su qu'un tel de mes serviteurs était malade, et pourtant tu ne l'as pas visité? Ne sais-tu pas que si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Ô fils d'Adam, je t'ai demandé à manger et tu ne m'as pas nourri. L'homme dira: ô Seigneur, comment aurais-je pu te nourrir alors que tu es le Seigneur de l'univers? Allah répondra: n'as-tu pas su qu'un tel de mes serviteurs te demandait à manger et pourtant tu ne l'as pas nourri? Ne sais-tu pas que si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé cela auprès de moi? Ô fils d'Adam, je t'ai demandé à boire et tu ne m'as pas donné à boire. L'homme dira: ô Seigneur, comment aurais-je pu te donner à boire alors que tu es le Seigneur de l'univers? Allah répondra: l'un de mes serviteurs t'a demandé à boire et tu ne l'as pas abreuvé. Ne sais-tu pas que si tu l'avais abreuvé, tu aurais trouvé cela auprès de moi? Muslim. 897. D'après Abu Moussa, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: rendez visite aux malades, donnez à manger à celui qui a faim et payez la rançon des captifs musulmans. Al-Bukhari. 898. Selon Thauban, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: le musulman, au moment où il rend visite à son frère musulman, se trouve au milieu des cueillettes du paradis, et ce, jusqu'à ce qu'il le quitte. On demanda: ô messager d'Allah, que sont les cueillettes du paradis? Des fruits qui y sont cueillis, répondit-il, alayhi salatu wassalam. Muslim. 899. Ali, radiallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: nul musulman ne se rend le matin au chevet d'un autre musulman sans que 70 000 anges ne prient sur lui jusqu'au soir. Et s'il s'y rend le soir, 70 000 anges prient sur lui jusqu'au lendemain matin. Et il aura droit aux fruits cueillis du paradis. At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan. 900. D'après Anas, radiyallahu anhu, un garçon juif qui était au service du prophète, alayhi salatu wassalam, tomba un jour malade. Le prophète, alayhi salatu wassalam, se rendit à son chevet, s'asseyant près de sa tête et lui dit: « Convertis-toi à l'islam. » Le garçon regarda alors son père qui était présent. Ce dernier lui dit: « Obéis à Abul Qasim, le surnom de Muhammad, alayhi salatu wassalam. » Le garçon embrassa l'islam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, sortit alors en disant « Louange à Allah qui l'a sauvé de l'enfer. » Al-Bukhari.